Section 105 de la lecture, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1er. Section 105. Pascal Géfosse par Paul Marguerite. Chapitre 18. C'était chez Madame Hanskin. Géfosse n'ayant pu se dispenser d'aller lui rendre visite et de s'informer de la santé de Hanskin. Il était hors de danger, après avoir inspiré des angoisses mortelles, et rentrerait dans 3 ou 4 jours. Les Seignelay étaient déjà de retour. Malgré sa fatigue, elle avait un bel air de vaillance. Autrement pâle et soucieuse était Louise, à qui Philippe, ce matin, avait naïvement compté l'arrivée des comédiens. La rencontre avec Clermont, sa présentation à France Rosy. Madame Desgrands lui avait dit « Elle doit être d'un certain âge. » Mais non, elle m'a paru belle, avec un visage très mobile, un masque frémissant de comédienne et 2 yeux intelligents et bons. Monsieur Géfosse la connaît sans doute beaucoup. J'imagine. Il se tutoie. Aussitôt, il regretta cette indiscrétion, bien qu'elle lui parût sans importance. Il n'avait pas remarqué le silence de Madame Desgrands, la cruelle décomposition de son visage et le frémissement de ses mains. Elle s'était sentie, du haut de son bonheur étroit, chancelée et roulée au fond d'un précipice. Durant cette visite, Géfosse devina bien qu'elle souffrait, ce qui flatta son amour-propre. Il parla exprès de France Rosy, sur laquelle tout Alger glosait. On en oubliait même le voyage des ministres et les discours officiels. Ces dames iraient-elles au théâtre? Pas Madame Hanskin, mal remise de ses émotions. Madame Desgrands non plus, naturellement. Le moyen d'y aller seule, pourtant, elle avait une envie folle de voir jouer France Rosy, qu'elle avait déjà admirée à Paris, sans y faire alors plus d'attention qu'à une curieuse marionnette vivante, et sans soupçonner que celle-ci jouerait un jour un rôle pour de vrai dans sa vie. Elle était donc fort malheureuse. La réserve forcée de Géfosse, en présence de Madame Hanskin, lui parut une froideur spéciale. Elle alla même s'imaginer, à l'air préoccupé de Thérèse, qu'elle se doutait de quelque chose et n'était plus la même à son égard. Nul moyen de souffler un mot, de faire un signe à Olivier, et dire qu'avant-hier, dans leur promenade, elle pouvait le croire tout à elle, rien qu'à elle. Dès lors, elle prévit une soirée et un lendemain intolérable, songea, j'ai fausse partie, à courir chez lui, un mouchoir sur les dents, sous l'ignominieux prétexte du dentiste. Géfosse rentrait tranquillement à Alger, place du théâtre, pénétra par l'entrée des artistes, dans les coulisses et sur la scène, pleine d'ombre, qu'éclairait mal un falot. Le rideau étant levé, un jour bleuâtre tombait des frises. Des machinistes posaient le décor du soir. Des hommes et des femmes, assis sur des chaises, gardaient un silence maussade, et sur le plancher en pente, descendant jusqu'au trou du souffleur, 2 acteurs et 1 actrice répétaient d'une voix blanche un raccord. Clermont, premier rôle, Saint-Rose, l'amoureux, et France. Elle se retourna et envoya un bonjour amical. Dans un instant, « Salut, maître !» dit une moqueuse voix de garçon. Géfosse reconnut Adrienne, qui le quitta bientôt pour entrer en scène. Il s'amusa à écouter les répliques, une double fausseté, dans le style de la pièce et dans la diction des interprètes, le frappa. Pourtant, un des grands faiseurs de l'époque avait signé cette comédie. Mais on n'y sentait ni nature ni vérité, rien que le perpétuel mensonge des conventions. De même, les acteurs étaient réputés à bon droit. Mais France, exceptée, leurs intonations sans naturelles, inscrites jadis, comme sur des phonographes, par les professeurs du conservatoire, énervaient à la longue. Comment peut-on applaudir cela, se disait-il, et le leurre de l'art théâtral lui était rendu plus frappant par les gestes factices des acteurs, restés eux-mêmes dans leurs habits de ville, et qu'on voyait bien être Clermont, Saint-Rose, etc., mais pas du tout les personnages de la pièce. Tout ici, l'étrangeté, l'odeur et le silence du lieu, les décors absurdes, les banquettes vides, donnaient à Géphos l'impression d'une vie irréelle, de silhouettes d'ombre, débitant des phrases de folie. Le raccord terminé, il fit connaissance avec le reste de la troupe, le directeur, deux journalistes et l'impresario, un flamand roux, velu comme un ours, aux petits yeux bleus rusés et aux mains larges comme des battoirs. Finalement, il emmena Clermont dîner, et en attendant, ils s'attablèrent devant un café. Philippe, qui au sortir de l'étude, était venu rôder autour du théâtre et les avait suivis, se montra. Ils l'appelèrent et Clermont lui tendait la main. « Comment allez-vous, mon petit ?» Géphos, levant le nez, surpris par cette familiarité, l'acteur la justifia. Hier soir, dans un café, reconnaissant Philippe pour l'avoir vu avec Géphos, il lui avait demandé des renseignements sur la ville arabe, afin de la visiter avec des camarades. Et Philippe, de fort bonne grâce, les avait menés chez les mauresques, qu'il connaissait. Là, il avait pris le café et vu danser une petite fille, déjà femme et jolie malgré ses attaches communes. Elle leur avait mimé la danse ondulante du ventre, non sans jurons marseillais, et en desserrant à la fin, pour une invite, la coulisse de son pantalon sur son nombril bronzé. Tandis qu'une vieille, à museau de singe, accoutrée d'oripeaux roses, invectivait trois mauresques, enveloppées de leur haïk, couchées sur des coussins, épouffant de rire devant ces hommes glabres. Pendant le dîner, Clermont ne parla que de ses succès, de son physique et de ses moyens, pas du tout de Paris, comme Géphos aurait voulu. « Est-il raseur ? » pensa-t-il, et il regardait ce visage usé par les fards, rayé d'une infinité de petites rides. S'il avait invité Saint-Rose, c'eût été pis. Celui-là, avec une fatuité de beau garçon, aurait ri pour montrer ses dents et agité dans l'air ses doigts chargés de bagues pour faire descendre le sang. Clermont les quitta. C'était l'heure du théâtre. Géphos et Philippe n'y arrivèrent qu'à 9 heures, après s'être fait reconnaître au contrôle. On les installa dans une baignoire d'avant-scène. Le second acte commençait. La salle était pleine et houleuse. On attendait fiévreusement l'entrée de France Rosy. Elle parut et les applaudissements éclatèrent. Elle avait jeté à Géphos, en rentrant, un petit bonjour des yeux qui ravit Philippe. De même, au regard des gens qui tout à l'heure s'étaient retournés vers Géphos, il lui avait semblé qu'un peu de célébrité rejaillissait sur lui-même. Il se sentait fier de connaître, lui, obscur, une reine de théâtre dans son éclat lumineux et un roi des lettres dans sa gloire plus discrète. Il n'avait jamais vu la pièce, et comme entrait en scène un monsieur élégant, portant moustache et monocle, dont la voix et le visage ne lui étaient pas inconnus, il demanda « Qui est-ce ?»« Mais Clermont, » dit Géphos, à qui les grimes et les transformations étaient familières. Et regardant France, il la trouvait fort bien, parée d'une jeunesse savante, d'un charme dû à l'art seul. Il la compara à Madame Desgrands, dont la beauté était naturelle et naïve, et donna tort à celle-là. Ce qui l'amusa fut la métamorphose d'Adrienne en jeune fille honnête, ni dans la voix, ni dans le geste, ni dans l'expression même des traits, elles ne se ressemblaient. Véritable nature d'enfant de Laval, apte à toutes les imitations, et qui entrait dans la peau d'un rôle et en sortait aussi facilement qu'elle changeait de robe. Mais son attention se fixa sur France. Elle avait des accents simples et vibrants, un jeu plein de nuances. Sa sortie à la fin de l'acte fut superbe. Le rideau tomba et se releva au milieu d'applaudissements. Comme Géphos se retournait vers la salle, il crut voir quelqu'un qui lui faisait signe de la main. Il prit la lorgnette de Philippe et reconnut dans une loge de première Seignelly et sur le devant la petite Madame Seignelly et à côté d'elle Madame Desgrands. « Ah ! » fit-il surpris. « Quoi donc ? Saviez-vous que Madame Desgrands viendrait au théâtre ?»« Ah ! » dit Philippe non moins étonné. « Non, ils l'auront décidé au dernier instant. » « Montons saluer ces dames, » dit Géphos, après le petit salut d'invitation de Madame Seignelly. Madame Desgrands, impassible, semblait n'avoir rien vu. Dans la loge, tandis que Géphos s'informait des nouvelles des Seignelly et des Hanskin, elle ne se retournait point, malgré son envie. Elle n'avait qu'à pencher la tête. Elle sentait le poids de son regard, mais il parla. « Comment trouvez-vous France Rosy, madame ?»« Mais bien, » dit-elle, et elle pensa qu'il avait voulu la blesser. À l'entracte suivant, Géphos ne parut point. Elle devina qu'il explorait les coulisses. Dans la même baignoire que lui était le directeur et un journaliste, ils lui montrèrent le chemin. Philippe, parmi les machinistes et les portants, faillit tomber sur une pelure d'orange. Puis, se cogner au linteau bas d'une porte. Ils trouvèrent France dans sa loge, entourée d'hommes. L'impressario débouchait, de ses doigts velus, une bouteille d'ale, et un riche banquier juif, au nez crochu, M. Ismaël, se tenait assis là, comme chez lui. Géphos, en quelques mots, complimenta France, en soulignant le détail, le petit trait, qui devait lui faire plaisir. La loge sentait les phares, le théâtre et la femme. Dans un coin, la billeuse pliait soigneusement une jupe et des bas gris perles que France portait à l'acte précédent. Cette vue faillit rendre fou Philippe, qui pénétrait pour la première fois dans une loge de comédienne. Un contraste forcé s'imposait dans l'esprit de Géphos, entre ces deux loges, celle des femmes du monde, avec leurs robes montantes, la jolie hypocrisie de leur tenue et de leur conversation, celle de l'actrice avec son brouhaha libre, ses dessous et les belles épaules nues de France, passées au blanc liquide. On sortit pour la laisser changer de costume. « N'oublie pas le souper, » cria-t-elle à Géphos. « Vous en êtes, » ajouta-t-elle gracieusement pour Philippe. Ils félicitèrent Clermont au passage. La sonnette tintait. Le rideau se leva et l'action continua, précisément par la scène que Géphos avait vue répéter. Cela lui fit un singulier effet d'entendre les mêmes phrases. À son grand étonnement, elles ne sonnaient plus si creux ni si faux, mais dans la salle illuminée, surchauffée, houleuse, elle vibrait juste et claire, dégageant l'émotion avec une rapidité électrique. Leur fausseté même leur donnait un relief d'apparat. Et les acteurs, brillant sous le phare, sanglés d'habits neufs, avec leur retentissante voix de théâtre, le reflet des passions, la mimique d'âme qui se jouait sur leur visage, s'était transformé comme par magie. Une auréole les enveloppait. Le décor vivait étrangement. La rampe projetait sur toute chose une clarté de rêve et de poésie. Le quatrième et le cinquième acte furent, pour France, une longue ovation, avec double rappel, bouquet, cris furieux, tapement des pieds et des mains. Sans en attendre la fin, Géphos se hâta pour aller saluer Madame Desgrands et les Seignelly. Par malheur, beaucoup de monde sortait aussi. Force lui fut d'attendre sous le péristyle. Ils parurent enfin, et il les accompagna à la voiture qui devait les ramener ensemble. Les Seignelly, habitant aussi Mustapha supérieur, tout près des Hanskin. Madame Desgrands, agacée de ce grand succès, étourdie par ses tirades fiévreuses, vaincue par le talent et la beauté de France Rosie, regrettait d'être venue, tant elle se sentait malheureuse. Pourtant, elle se fut presque résignée avec le lâche espoir que ses soupçons jaloux ne seraient point justifiés, et rassurée grâce au départ imminent de l'actrice, quand Philippe eut l'imprudence de dire à Seignelly, et en l'entendant, elle se retourna comme si on l'avait frappée par derrière. « Nous soupons chez la Rosie. » Elle regarda Géphos, qui ne sourcilla pas. Pourtant, l'éloquence de ce regard l'avait touchée, au point qu'il faillit sacrifier un plaisir, chose rare pour lui. Et tandis qu'elle se disait « Voilà le châtiment, il me quittera. Il retournera dès sa rentrée à Paris, bien avant même, à sa vie de plaisir et d'aventure. » Il eut aux lèvres « Non, je n'irai pas. » Mais il eût voulu qu'elle le lui demandât par une nouvelle prière des yeux ou une pression de main. Trop fière, très pâle, les lèvres serrées, elle dévora sa honte silencieusement. « Orgueilleuse, » pensa-t-il quand la voiture partit. « Non, mais cruellement froissée. Pauvre Louise !» « Allons rejoindre France, » dit-il tout haut. Une demi-heure après, ils étaient réunis, 8 en tout, dans l'appartement de France. Géphos, le banquier juif, Clermont, Turet le comique, un journaliste, un Parisien échoué à Alger, et Philippe, l'impresario rentré avant eux, surveillait les apprêts du repas. Adrienne parut, puis France. Géphos à ma droite, Monsieur Ismaël à ma gauche. Dès que les premiers bouchons de champagne furent partis, la conversation s'anima. « Mon cher ami, nous allons donc un peu causer, » dit France. « Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Tu ne changes pas, toi. » Et son bras frôlait la manche de Géphos. Blasé des caresses chastes de Madame Desgrands, il sentit son imagination s'exciter. Près de la maîtresse qu'il avait quittée 3 ans auparavant. Alors, l'Odéon montait son drame. France, engagée pour le jouer, s'était éprise de l'auteur puis de la pièce, l'avait établie avec une tendresse maternelle et jouée en grande artiste amoureuse. Au bout de quelques semaines, son caractère et celui de Géphos, très dissemblables, s'étant heurtés. Il s'était quitté en se gardant un fond d'estime. En ce moment, elle apportait un peu de Paris, cher à Géphos, les derniers potins, l'esprit du boulevard et sa propre grâce. Aussi, rose et les yeux brillants, lui inspirait-elle un regard de tendresse pimentée, joint à l'attrait d'une occasion. Philippe, qui avait d'abord noté la déférence avec laquelle toute la table traitait Géphos, remarqua que celui-ci, à mesure que se vidaient les bouteilles et que les voix et les rires grossissaient, se débraillait de l'esprit, avec l'expression du regard et des traits tout changés, l'air d'un viveur à l'aise, en équivoque compagnie. Il buvait sec, et Philippe l'imita, sans voir que Clermont s'amusait à le griser. Bientôt la tête lui tourna. Il perdit la conscience nette des choses et ses idées s'enchaînèrent bizarrement. D'abord, il fut persécuté par la conviction qu'Adrienne le regardait obstinément, très étonnée. Elle devait donc le trouver godiche. France lui sembla belle, excessivement désirable, mais à cette heure, Thérèse dormait, sereine. si elle le voyait éméché parmi ses comédiens, quelle tête elle ferait. Pour qu'il fût irrévérencieux à ce point, il fallait que sa conscience fût bien oblitérée. Et il se répéta, par une obsession, « Je suis un sombre gredin ». Cette découverte le plongea dans la joie. À ce moment s'éleva une discussion. « Si. Non. Moi j'étudie sur nature, » dit Clermont. « Je vous affirme que les femmes ne peuvent pas y entrer, » répliqua le banquier. Philippe, avec de grands efforts, comprit que Clermont et Turet voulaient le lendemain matin aller visiter la trappe de Staoueli, une idée comme une autre qui l'enthousiasma. Oui, oui, à la trappe, à la trappe. Il s'arrêta, confus, sous les yeux de toute la compagnie, mais s'apercevant qu'on regardait son voisin, le journaliste, il reconnut qu'il n'avait crié qu'en imagination. Un grand mal de cœur lui vint. Il courut à la porte-fenêtre que l'impresario venait d'ouvrir et passa sur le balcon. Il y resta longtemps. L'air lui fit du bien. Des bruits confus lui arrivaient. Quand il rentra dans le salon, il constata l'absence de Géphosse et de France. Elle reparut. « Géphosse, il vient de partir. Vous le trouverez en bas. » Aussitôt Philippe de s'en aller avec Clermont et le journaliste, le Parisien suivit. Le comique, Turet, était déjà parti. Ismaël lui-même fut expédié, malgré sa résistance. L'impresario avait disparu de son côté et Adrienne du sien. Restée seule, France passa dans la chambre à côté, où Géphosse l'attendait, allongée sur un canapé et glissant sans bruit dans sa grâce de maîtresse savante. Elle lui tendit ses lèvres en murmurant « Tout de même, mon vieux Pascal, comme on se retrouve !» Fin de la section 105, enregistrée par Margot.